À Paris, ce mercredi au soir, 13 septembre 1679. Le moyen, ma bonne, de vous faire comprendre ce que j'ai souffert, et par quelle sorte de paroles vous pourrais-je représenter les douleurs d'une telle séparation? Je ne sais pas moi-même comment j'ai pu la soutenir. Vous m'en avez paru si touché aussi que je crains que vous n'en ayez été plus mal qu'à votre ordinaire, qui est trop dire, car vous n'avez pas besoin d'aucune augmentation. Cette inquiétude trop bien fondée pour une santé qui m'est si chère, avec l'absence d'une personne comme vous, dont tout me va droit au cœur et dont rien ne m'est indifférent, vous pourront faire comprendre une partie de l'état où je suis. J'ai donc suivi des yeux cette barque, et je pensais à ce qu'elle m'emmenait, et comme elle s'éloignait, et combien de jours je passerais sans revoir cette personne, et toute cette troupe que j'aime et que j'honore, et par elle et par rapport à vous. Enfin, toute cette séparation m'a été infiniment sensible. Je ne vous compte point mes larmes. C'est un effet de mon tempérament, mais croyez, ma bonne, qu'elles viennent d'un cœur si parfaitement et si uniquement à vous, que par cette raison il doit vous être cher. Je crois qu'il voulait aussi, et cette pensée autorise tous mes sentiments. Après donc vous avoir perdu de vue, je suis demeuré avec la philosophie de Corbinelli, qui connaît trop le cœur humain pour n'avoir pas respecté ma douleur. Il l'a laissé faire, et comme un bon ami, il n'a point essayé sottement de me faire taire. J'étais à la messe, à Notre-Dame, et puis dans cet hôtel dont la vue et les chambres, et le jardin et tout, et l'épine, et vos pauvres malades, que j'étais voir, m'ont fait souffrir de certaines sortes de peines que vous ignorez peut-être, parce que vous êtes fortes, mais qui sont dures aux faibles comme moi. Nous avons regardé vos mémoires et commencé quelques paiements. Nous vous rendrons compte de tout. Je n'ai point sorti. Madame de Lavardin et Madame de Moussy ont forcé ma porte. J'essaierai d'aller voir demain Mademoiselle de Méry. Pour aujourd'hui, il ne m'était pas possible. J'ai une envie extrême de savoir de vos nouvelles, et comme vous vous trouvez de la tranquillité et de la longueur de votre marche, si vous arrivez bien tard, quelle fatigue, quelles aventures. Mais c'est à Montgobert que je demande ce détail, car à vous, ma bonne, je ne veux point contribuer à votre épuisement. Je suis contente d'une feuille. Vous devez juger par cette discrétion si je prends sur moi et si j'aime votre santé. J'embrasse tout ce qui est autour de vous. Il me semble que je n'ai rien dit à Mesdemoiselles de Grignan et à leur père, mais le moyen? Et n'était-ce pas parler que de ne pouvoir rien dire? En vérité, ma bonne, je ne comprends pas comme je pourrais m'accoutumer à ne plus vous voir et à la solitude de cette maison. Je suis si pleine de vous que je ne puis rien souffrir ni rien regarder. Il faut croire que le temps me remettra dans l'état d'une vie commune. Elle ne serait pas supportable comme elle l'est. Je vous embrasse, ma bonne, avec le même cœur et les mêmes larmes de ce matin. Le pauvre petit et son rhume, je ne cesse de penser à vous tous. Le bien bon vous fait mille amitiés. Jeudi, à 10 heures du matin. Jeudi, à 10 heures du matin, 14 septembre 1679. J'ai vu sur notre carte que la lettre que je vous écrivis hier au soir à Auxerre ne partira qu'à midi. Ainsi, ma très chère, j'y joins encore celle-ci. Vous en recevrez deux à la fois. Je veux vous parler de ma soirée d'hier. À 9 heures, j'étais dans ma chambre. Mes pauvres yeux ni mon esprit ne voulurent pas entendre parler de lire, de sorte que je sentis tout le poids de la tristesse que me donne notre séparation. Et n'étant pas distraite par les objets, il me semble que j'en goûtais bien toute l'amertume. Je me couchai à 11 heures, et j'étais réveillé par une furieuse pluie. Il n'était que 2 heures. J'ai compris que vous étiez dans votre hôtellerie, et que cette eau, qui est mauvaise pour les chemins depuis Auxerre, était bonne pour votre rivière. Ainsi sont mêlées les choses de ce monde. Je pense toujours que vous êtes dans le bateau, et que vous y retournez à 3 heures du matin. Cela fait horreur. Vous me direz comme vous vous portez de cette sorte de vie, et vos jambes et vos inquiétudes. Votre santé est un point sur lequel je ne puis jamais avoir de repos. Il me semble que tout ce qui est auprès de vous en est occupé, et que vous êtes l'objet des soins de toute votre barque, j'entends de votre cabane, car ce qui me parut de peuple sur le bateau représentait l'arche. On m'assura que vers Fontainebleau vous n'auriez quasi plus personne. Ce matin, l'épine est entrée dans ma chambre. Nous avons fort pleuré. Il est touché comme un honnête homme. N'ayez aucune inquiétude, ni de vos meubles, ni du carrosse de M. de Grignan. Je ne puis m'occuper qu'à donner des ordres qui ont rapport à vous. Vos dernières gueuses de servante ont perdu toute votre batterie et votre linge, c'est pitié. J'embrasse M. de Grignan et ses aimables filles et mon cher petit enfant. Ne voulez-vous pas bien que j'y mette mon gobert et tout ce qui vous sert et tout ce qui vous aime? Mademoiselle de Méry est toujours sans fièvre, je la verrai tantôt. Je crois, ma bonne, que vous me croyez autant à vous que j'y suis. » L'abbé vous salue très humblement. À madame la comtesse de Grignan, à Auxerre.